Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Le journal Le Quotidien nous apprend ce matin une belle nouvelle, c'est que la municipalité de Girardville aura un raid multisport qui aura lieu le 15 septembre prochain. Donc ça aura lieu à Girardville. L'événement qui devrait durer entre 2 à 3 heures va se faire en équipe, soit le canot, le vélo ainsi que la course à pied qui seront au rendez-vous. Les participants débuteront leur compétition par un 5 km de canot, 15 km de vélo et un 4 km de course à pied sur la piste cyclable. Donc, les gens qui veulent participer doivent s'inscrire à raidgirardville.com. On va tenter de rejoindre les responsables pour en savoir davantage sur cette nouvelle activité à Girardville. Maintenant, on va parler également des Jeux du Québec. La chef de mission de l'équipe de Saint-Jean, Alexandra Larouche, a fait le bilan hier. On sait que c'est un bilan quand même plutôt mitigé. On visait 30 médailles et on n'en a récolté que 19, dont une médaille d'or. Et Alexandra Larouche explique les raisons qui ont fait en sorte qu'on est allé au-dessus des attentes. Ben, c'est certain que ça semble un petit peu décevant. Par contre, on a plusieurs éléments qui font en sorte qu'on a eu moins de médailles cette année, notamment en athlétisme. La fédération a changé ses normes. Okay. Puis on a la catégorie cadet qui n'est plus présente aux Jeux du Québec. Donc, notre région était quand même assez reconnue pour aller chercher plusieurs médailles dans la catégorie cadet. Nos cadets étaient malheureusement surclassés en juvénile et c'est pourquoi on n'a pas été chercher autant de médailles qu'à l'habitude pour les autres années. OK. Le stage sportif n'est plus présent depuis environ, ça fait 4 ans, oui, c'est pour ça. On avait eu beaucoup de médailles là, les dernières années, en 2014, si je me trompe. Ouais. Et c'est en plus ça, on avait vraiment accumulé beaucoup de médailles, mais cette discipline n'est plus présente aux Jeux du Québec. OK. Mais dans l'ensemble, qu'est-ce qui vous a le plus déçu? Sur quoi vous êtes basé pour arriver avec 30 médailles? On a reçu 19 médailles. Oui, mais je veux dire, est-ce que vous avez quand même visé 30 médailles, par exemple, au départ? Sur quoi vous basiez pour fixer 30 médailles? Oui, ben en fait, on se basait surtout sur les statistiques des dernières années. Okay. C'est sûr, on pouvait pas comparer avec l'année qu'il y avait eu sauvetage sportif qu'on avait juste pour la discipline environ une vingtaine de médailles qu'on avait accumulées. Et c'est comme je vous dis, dans mes données, vu que c'est ma première fois cette année, j'avais pas calculé que la catégorie cadet en athlétisme n'était pas présente. Okay. Donc c'est vraiment cette donnée-là qui m'a manqué puis que j'aurais pu ajuster en fonction en prévision des médailles. Sandra Larouche explique qu'on va prendre bonne note des erreurs et par la suite on va essayer de développer pour les prochains Jeux du Québec en 2020. C'est certain que on va travailler au niveau du développement également des jeunes. Ouais. On avait une petite déception au niveau de l'équipe de tennis qui n'était pas présente. Donc, sûr qu'on va appuyer les gens pour avoir notre équipe de tennis pour la prochaine finale, puisqu'habituellement, on se classe quand même très bien là dans les positions à ce niveau-là. OK. Donc, mais je vous dirais que pour l'ensemble des sports, ils ont respecté quand même beaucoup là, le pointage et ainsi que les résultats qu'ils avaient normalement lors des Jeux du Québec. Donc, c'est vraiment une continuité du travail. Sur les ondes de CKJN, le directeur du recrutement des Marquis de Jonquière, Lucien Paquette, a parlé du repêchage des Marquis au cours du week-end. Et selon Lucien Paquette, les Marquis, le premier choix des Marquis au dernier repêchage, a été courtisé par son équipe depuis au moins un an. L'an passé, c'est sûr qu'avec la réglementation qu'il avait faite au niveau des joueurs agents libres, on pouvait pas amener de joueurs qui étaient agents libres. C'est un règlement qu'il y avait au niveau de la Ligue, qui cette année a changé. Là, fait que c'est sûr que c'est un gars que je gardais dans ma mire, certains, parce que j'ai des contacts avec certains agents, puis des agents, des fois, m'appellent. Les Marquis ont fait le plein de bons défenseurs et des défenseurs à bon gabarit, explique le directeur du recrutement des Marquis. Quand on était chercher des défenseurs, on parle de défenseurs avec des bons gabarits. On a juste à penser à Jonathan, qui est 6 pieds 5, 239 livres, à David Henley, qui est à 6 pieds 4, 230. Jason Bell, qui est un style un peu plus finesse, si on veut, mais il est quand même 6 pieds 2. On essaie d'aller se grossir. On parle de Matt Nickerson, que j'ai réussi à le rejoindre hier. Là, on est en discussion, mais il a déjà signé en Finlande. Mais si jamais ça marchait pas là-bas, on avait déjà une entente verbale ensemble avant au mois de juin, quand la saison était terminée là-bas. Et puis, il était supposé de se rapporter à l'équipe, mais on connaît les circonstances au niveau de la Ligue. Là. Je termine avec des résultats de soccer et des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues de soccer. D'abord, le Chinook a défait le FC de Saint-Félicien 2-0 dans un match du senior masculin division 2. Maintenant, senior masculin division 2 également, le AC Milan a défait Dolboum Sesni par le pointage de 3-0. Et dans le U16 féminin, gain de Saint-Félicien 5-0 sur le Boréal d'Alma. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.